Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Jimmy Thibodeau nous parlera de l'actualité qui passe sous le radar avec Si dans le monde que ça se passe. Et on ira dans les coulisses de la huître avec ce bouffon qui est Gabriel Béhoud. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki en ce mardi 15 mars 2016. On est en direct du studio de Cifoua à Trois-Rivières à 42 jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016 et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Et bon matin. L'autobus m'amène de plus en plus tard à chaque matin, je m'en excuse. Ah, ça va, ça va. Ah, c'est bruineux aujourd'hui. En effet, hein, il fait pas super beau. Petite pluie qui est juste tannante. Ben, c'est comme recevoir un spray de quelque chose. Ouais, c'est ça. Juste assez pour vous démaquiller, mesdames. Absolument, absolument. Et gâcher votre coiffure pour et les voilà. Autres. Ouais. Alors aujourd'hui à l'émission, Jimmy Thibodeau va être avec nous à 8h pour sa chronique sur l'actualité qui passe sous le radar. Ça s'appelle « C'est dans le monde que ça se passe ». Toujours un sujet des plus intéressants. À 8h30, on va revenir sur le match d'hier de la Luitre, la Ligue d'improvisation de l'UQTR avec Gabriel Béhoud. On parlait aussi du iPod Battle qui a eu lieu juste après. Ah oui, c'est vrai. Oui, les matchs à venir parce qu'il y a beaucoup de matchs spéciaux qui s'en viennent. Donc Gabriel Béhoud à 8h30. Ta chronique à toi s'en vient en fin d'émission. Tania's Gonna Entertain You. Oui, mais je vais vous parler des femmes, surtout les femmes qui ont changé notre monde sans peut-être que vous le sachiez. Tania is gonna entertain you. On va débuter avec le bug pub dans quelques instants. Mm-hmm. On va se faire ce cours. Mais avant ça, j'ai besoin d'une chanson. Ah, ben oui, évidemment. J'ai besoin de Young Rival. Voici Where's It All Going? Cross some lines a couple of times, Will. Come on. Sick and tired of losing my mind, yeah. Roll on. Oh, what, huh? Did a line a couple of times, I find new. No place to go on, well on, on. Cross some lines a couple of times, well, come on. Sick and tired of losing my mind, yeah. Roll on, oh, uh-huh. Did a line a couple of times, I. Young Rival, Where's It All Going? À Samplage Rookie. Où est-ce que ça s'en va? Sûrement vers une pub dans quelques minutes. Probablement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans les médias. Voici le bloc pub. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. C'est le bloc pub, la chronique dans laquelle on parle de marketing et d'idées pour faire vendre les choses. Commençons en apprenant à lire les petits caractères avec le DESSCM. Premièrement, qu'est-ce que le DESSCM? C'est le diplôme d'études supérieures spécialisées en communication marketing. C'est signé leur nouvelle campagne par Marketel, une campagne de recrutement qui a été lancée par HEC Montréal en collaboration avec l'Association des agences de communication créative A2C. Le programme publiera durant toute la campagne des promesses destinées à ses futurs étudiants et qui se caractérisent par leurs petits caractères à la manière des mentions juridiques qu'on retrouve souvent dans l'industrie, par exemple les pubs de char. Le contenu des cours a été bonifié afin d'être plus représentatif des enjeux liés à la créativité d'affaires et aux nouveaux médias. Les candidats recherchés pour cette 17e cohorte cumulent un minimum de 2 à 5 ans d'expérience sur le marché du travail et proviennent de différents milieux comme des agences, des annonceurs, des médias, organisations créatives ou culturelles afin de créer un groupe hétérogène. Donc, ce qu'on voit sur les publicités, c'est littéralement, bon, t'es sur un mur gris environ, avec un carré noir par-dessus, tenu par des attaches à papier. Hein. Oui. Et comme des pinces. Des petites pinces, ouais, c'est ça. Noires, là, vous savez quoi. Bref, il y a une grosse phrase dessus qui écrit, oui, c'est écrit, tu vas doubler ton salaire. Là, ça dit, avec une petite étoile, et ça va en bas de l'affiche, et ça dit, éventuellement, on l'espère. C'est très, très, très, très, très, très petit. Oui, très, très petit. C'est toi qui vas être le boss, en gros, et en petit, d'un stagiaire, sans doute. Sûrement. En gros, tu vas mériter un bureau avec une vue, et en petit, ça dit, sur le photocopieur, probablement, mais un beau photocopieur à couleur, pis tout. On n'a même pas ça, c'est fou tellement. C'est vrai. On comprend pas ça. En gros, tu vas mériter un bureau. Ah non, c'est déjà fait. Ah, c'est peut-être déjà fait. Il y en a qui sont là deux fois chaque. Oh. Non, je pensais qu'il y en avait d'autres. Bref, une séance d'information sur le programme avait lieu le 9 mars à HEC Montréal. Donc, c'est par l'annonceur A2C et par le HEC. Ensuite, un coming out chez McDonald's à Taïwan. Il y a une pub qui s'appelle Acceptation qui veut encourager les consommateurs à afficher plus d'amour et de tolérance autour d'un McCafé. L'initiative met en scène un jeune homme annonçant son homosexualité à son père dans une succursale de la chaîne de restauration rapide. C'est pas le genre de choses qu'on voit fréquemment en Amérique du Nord. Encore des coming out comme ça. Donc, félicitations. Est-ce qu'on la regarde un peu rapidement? Ben oui. Voyons. Pourquoi pas? C'est une petite pub de 1 minute et demie. On est dans un mec café. Évidemment. Avec un père qui regarde dans le vide. Il regarde pas son fils. OK. Et là, sur le verre, c'est écrit « J'aime les hommes ». Il écrit ça au crayon sur son verre. Le père est fâché. Le garçon dit « Papa ». Le père s'en va. Le garçon a l'air tout déprimé. Il regarde dans le vide très, très, très, très, très, très longtemps. C'est une minute et demie, 30 secondes ouais, à faire ouais. La job. Mais, ouais. Mais ça continue, le gars est encore en train de regarder devant lui. Il devrait pleurer. Le père revient avec son café, son mec café, bien sûr. Il doit avoir écrit un message dessus, je t'inquiète. Sûrement. Je cherche un crayon. Il y a un crayon sur la table, t'as raison. Ah, c'est vrai. Il prend. Ils ont voulu faire durer le malaise, je pense. Ah, il prend le verre de son fils. Ah. Il écrit dessus des symboles. Hein, évidemment. La musique en parc. D'après moi, ça va être émouvant. J'accepte que tu... Et là, le message du garçon aime les hommes. Oh. Ça pleure, ça boit. Ça boit, ça pleure. Sûrement qu'il doit goûter un petit peu salé son café maintenant. Mais c'est quelque chose qui est très difficile hein, pour les Asiatiques masculins. Absolument. De faire leur coming out bien souvent. C'est pas la première fois que je vois une vidéo comme ça avec des Asiatiques hommes. Oui. Ben, c'est à encourager, évidemment, et peut-être qu'on aura ce genre de campagne ici un jour. Transat veut vous voir danser maintenant. On change complètement d'ordre d'idée. Afin de faire mousser l'intérêt pour les vacances à Cuba, Transat, en collaboration avec Dentsu Bus, a lancé le jeu de danse interactif Danse tes vacances pour Cuba. Pour jouer, les utilisateurs devaient créer leur propre avatar en ligne. Ensuite, ils devaient le faire danser sur une plage de sable doré en bougeant devant la webcam de leur ordinateur, de leur tablette ou de leur appareil mobile. Chaque seconde dansée permettait d'accumuler des points et de tenter de gagner l'un des 3 prix d'une semaine de vacances, tout inclus pour 2 à Cuba. Donc, l'annonceur Transat la direction de création, Sébastien Rivet et Claude Ringuette. Il y a aussi le jeu et la vidéo qui ont été produits par différents gens, donc une grande équipe qui a travaillé derrière cette publicité-là pour Transat. Donc on est dehors, évidemment l'hiver, ça commence tout le temps pareil. Froid. De la slotch, de la noirceur et beaucoup de faces longues. Les gens seraient prêts à faire n'importe quoi pour partir au soleil. On voit des gens péter leur Transat a lancé Danse tes vacances, le tout premier jeu de danse interactif au monde qui permet de gagner une semaine de vacances tout inclus à Cuba. Pour jouer, rien de plus simple. On crée un avatar à son image. Donc on choisit la barbe, puis la couleur de la peau. On active sa webcam et on danse. Et on danse. Et les personnages dansent pareil comme toi. Plus on danse, plus on accumule points. De points. Bon. Ah, ben pendant oui, les 72 heures qu'a duré le jeu, plus de 10 000 Canadiens en manque de chaleur ont dansé plus de 2452 heures, wow. Soit 102 jours, pour une moyenne de 15 minutes de danse par joueur. Les trois gagnants ont quant à eux dansé un total de 170 heures devant leur ordinateur. Hey, on se tape, hein? On peut dire qu'ils auront droit à des vacances bien méritées. Ils ont tous des shapes différents, mettons, les gens, sur cette publicité-là. Et ils sont là tous là. Blancs, mais au moins ils ont un look différent quand même de Beden. Photo et fromage au métro McGill. Maintenant, la fromagerie Amel. Oui. Tu connais la fromagerie Amel? Oui. Moi, je connais pas. Poursuit sa présence dans le métro de Montréal avec une installation numérique comprenant un appareil photo et un capteur de mouvement. On reste dans le même domaine. Ben oui. Une murale de Métromédia Plus a été modifiée pour que les usagers se fassent photographier grâce à un capteur de mouvement, puis qu'ils bonifient les images avec des ajouts numériques utilisant les produits de l'annonceur. Les usagers avaient 10 secondes pour jouer avec l'image produite avant qu'elle ne disparaisse, de manière à protéger l'identité des usagers, au moins, hein? On voulait que les gens lâchent leur fou. L'initiative a été réalisée en collaboration avec Métromédia Plus et Megapose. C'était sur la mezzanine de la station McGill. Simple comme ça. Donc, on voit un tapis, pas un tapis, mais un genre de collant qui était apposé par terre en dessous de la pub. Et là, ben, l'affiche dit « Une photo souvenir, dites! » Et là, fromage, cheese, évidemment, c'est une ligne pour qu'on remplisse soi-même. Et derrière toi, t'as l'écran et tu te vois faire. Hein? Yeah! C'est comme des caméras de sécurité, finalement, mais sur un mur. Maintenant, Always s'attaque aux emojis. Alors que de plus en plus de marques les intègrent à leur communication, Always s'en prend aux stéréotypes que les emojis véhiculent dans une nouvelle vidéo Like a Girl. Tu connais la campagne Like a Girl, oui. Lancer comme une fille, courir comme une fille. Pour cette nouvelle offensive de la plateforme, donc Leo Burnett Chicago a repris le thème de la campagne de 2014 qui dénonçait les stéréotypes féminins. Partant du principe que les emojis des téléphones intelligents ne proposent que des filles habillées en rose. C'est vrai. Se faisant une manucure ou des princesses. C'est vraiment tellement vrai. Alors que les garçons sont eux représentés en sportifs, policiers, détectives ou encore en ange ou en Père Noël, la marque d'hygiène féminine a interrogé des jeunes filles pour savoir ce qu'elles pensaient de ces symboles. C'est vrai quand même que on peut modifier depuis quelques mois, sinon années, ouais. La couleur de la peau du personnage, de jaune à un genre de saumon pâle. Ouais, c'est ça. Bon. Bref, il y a de toutes les sortes, mais il n'y a pas de pour les changer en filles. Non. La plupart. Après avoir déclaré qu'elles aimaient les utiliser dans leurs conversations, les adolescentes américaines constatent face à la caméra que ces symboles ne les représentent pas. En voulant leur donner pleinement confiance en elles et en leurs convictions, on leur propose alors d'imaginer des emojis les représentant. Elles pensent à ce moment à des personnages représentant une femme athlète, une autre jouant au soccer ou encore une joueuse de batterie ou une avocate. Partant du fait qu'à l'adolescence, la confiance en soi diminue, Always dénonce ces clichés véhiculés par ces symboles que les jeunes femmes utilisent quotidiennement. Et la marque invite aussi les internautes à penser à d'autres emojis féminins en partageant leurs idées grâce au mot-clic hashtag LikeItGirl. Si on a besoin de regarder la vidéo pour la comprendre, celle-là, pas tellement. Non, pas vraiment. Ensuite, les nouvelles publicités de Geico sont impossibles à rater en ce moment. Après le succès des publicités Unskippable, récompensées à Cannes en 2015, dont on a déjà parlé, l'assureur américain a pensé à un concept dans le même ordre d'esprit en imaginant de nouvelles histoires insensées. En consommant de curieux scénarios de 5 secondes coupés de la signature « We now fast forward to the end of this ad », donc nous passons maintenant à la fin de cette publicité, et suivi d'une fin sans rapport avec le début de l'exécution, Geico invite l'internaute à cliquer sur l'annonce pour visionner et comprendre l'histoire au complet. Un des scénarios présente, par exemple, deux randonneurs parlant de l'ascension qu'ils sont en train de réaliser. Après l'apparition du slogan de Geico, les deux randonneurs se retrouvent accrochés aux griffes d'oiseaux géants où l'un d'eux joue du saxophone. Le message est cliqué pour voir ce qui s'est passé et propose ensuite à l'internaute de comprendre ce qu'il a manqué. La stratégie adoptée est donc subtile puisqu'elle oblige implicitement l'internaute à visionner ce qu'il a manqué le plus important. C'est évidemment sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser à des sketchs d'improvisation de la huître. Aha. Tellement comme concept où on voit des fois la fin de la pub et après ça on doit rembobiner pour voir le début. C'est simplement le contraire. Donc allons-y avec celle que je n'ai pas mentionnée. Allons-y avec dans un bateau. Pourquoi pas? Est-ce qu'on essaie ça? Un petit 15 secondes. Avec Geico, j'ai accès 24 heures sur 24. À quoi? À des agents. We now fast forward to the end of this Geico ad so you can get to your video faster. Et là, il y a un poisson qui est assis sur une chaise berçante en lisant son journal. Non, you're so gullible. T'es tellement naïf, t'es tellement naïf. Donc, les deux messieurs sont accrochés au mur comme un poisson le serait. T'sais. Oh. Et là, on se demande vraiment ce qui s'est passé entre les deux. Mais pour le savoir, il va falloir aller cliquer sur la pub. Hein? Mm-hmm. C'est ce genre de choses-là. Intelligent, pas mal. Geico, c'est sont célèbres pour leurs publicités qui font jaser, publicités virales. C'est des publicités qui jouent des fois, une fois par demi-heure le jour, sur les grandes chaînes de télé. D'après moi, ça va être très populaire comme format. Évidemment, c'est plus pour le web dans ce cas-ci. Ensuite, allons-y avec... Super Écran Go, un déplacement en train qui devient un film d'aventure. Les évadés ont signé la toute nouvelle campagne de promotion de l'application. Afin de promouvoir la nouvelle application mobile Super Écran Go, l'agence Les évadés a réalisé une toute nouvelle campagne pour Super Écran, nous dit actumedia.com. Les évadés ont élaboré des concepts accrocheurs qui mettent en scène les films et les séries de l'heure, comme Hunger Games, Mad Max ou encore Patrice Lemieux, dans les moments du quotidien. Ainsi, un déplacement ordinaire en train devient soudainement un film d'aventure l'espace d'un clic sur l'application mobile. Des bannières web, de l'affichage et des publicités radio ont été produites pour démontrer que Super Écran Go est un compagnon idéal, que ce soit dans les transports en commun ou dans le confort de son foyer. Les publicités sont beaucoup trop grosses, j'ai de la misère à les voir. Attends un peu. Est-ce que tu les vois comme faux à l'écran, toi? Ils apparaissent énormément grosses. Ouais, ils sont très, très grosses. C'est vraiment fatigant. On va écouter le message radio à la place, c'est pourquoi pas. On va y aller avec, la salle d'attente. Madame Marchand était assise dans la salle d'attente quand soudain... Elle a dit « Excusez » et a continué de regarder Super Écran sur sa tablette. L'application Super Écran Go vous filme partout. C'est pas mauvais. Monsieur pas Lemay mauvais. Circulait en taxi la nuit quand soudain... « Je crois que je n'ai jamais vu un visage aussi beau que le vôtre. » Le chauffeur a répondu « pardon ?» Et Monsieur Lemay a baissé le volume de son portable pour continuer de regarder Super Écran. L'application Super Écran Go vous filme partout. Ouais, j'ai dit pas ça comme pas pire, ouais, c'est pas ouais, mal, ouais, bon. C'est vrai. Évidemment, c'est sûr que j'ai de la misère à voir comment tu vas écouter dans un média, mais un moyen de transport, une émission complète sans te faire déranger. C'est difficile de lire un livre dans un autobus, mais bon. Il y en a qui font ça, j'imagine. Nouveau format efficace maintenant pour Activia de Danone, qui évolue vers un nouveau format à boire. Une campagne de lancement misant essentiellement sur le nouveau produit a été développée avec Saint-Jacques-Vallée-Weiler, l'agence de publicité de Danone. Mettant de l'avant tant les quatre saveurs que les probiotiques d'Activia, la campagne reprend les codes de l'univers des cosmétiques. L'approche stratégique mise sur l'efficacité, c'est pourquoi un pre-roll qui s'ignore lui-même a été développé en partenariat avec BAM Strategy, l'agence numérique de Danone. Chaque minute sauvée pourra alors être utilisée efficacement, nous dit-il. On verra tantôt ce que ça veut dire. Comme l'approche stratégique mise sur l'efficacité du produit, la campagne a débuté le 29 février, soit la journée extra de l'année qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans et s'échelonnera jusqu'à la fin du mois d'août. L'offensive se décline à la télé, sur le web, en magasin, en affichage extérieur et en imprimé. La stratégie média mise en place par Cara ensuite permet de générer une grande notoriété autour du lancement du nouveau format Activia à boire et de rejoindre la cible active et bien occupée tout au long de la journée grâce aux différents points de contact. L'agence est également assurée d'une visibilité optimale sur certains sites internet en sécurisant les dominations de pages. Donc, regardons ce que ça veut dire, une publicité qui se skip elle-même. Donc, on voit, pour commencer... Activia, c'est que votre temps est précieux. C'est pour ça qu'on ignore cette annonce pour vous. Et le bouton « Ignorer cette annonce » se clique tout seul. Hein? Une autre, tiens. Encore une bouteille sur un fond vert, des bulles. Formulée comprenant 1 milliard de probiotiques exclusifs BL Regularis, voici la dernière innovation d'Activia de Danone. Une façon rapide et efficace de consommer ces probiotiques. Ah, c'est ça à la télé. Ah, oui. Se sentir à son meilleur, ça commence à l'intérieur. Ça, c'est plate. On s'entend que c'est plate. Ouais. Le yogourt à la télé, c'est vraiment plate. En tout cas, j'aime les pubs qui se skippent tout ça. Je trouve ça intelligent quand même. C'est vrai? J'aime ça. C'est pour essayer de trouver du talent à Prague. Les directeurs artistiques dans la publicité passent beaucoup de temps sur des sites de photos pour acheter des photos. Il y a des photos libres de droit pour nous, aux autres campus, entre autres, mais des photos pour lesquelles on doit payer, qu'on doit magasiner et acheter. Donc, les directeurs artistiques en utilisent beaucoup. Quelle meilleure place pour recruter quelqu'un? Donc, Y&R Prague l'a fait récemment en mettant un message « Nous sommes en train d'engager, donc Now Hiring » sur les watermarks de leurs images sur le site de Dreamstime. Tu sais, sur les photos, des fois, tu vas avoir un quadrillé, des lignes avec des symboles et le nom de la compagnie dessus, Stock Images, peu importe. Donc, à la place de seulement marquer le logo de la place, on a maintenant « Recrutement »,« Directeur artistique »,« Info.prague » à yr.cz. Donc, on profite de ce watermark, de cette marque qui fait que les gens ne peuvent pas prendre une photo sans le demander, sans payer. pour recruter des gens. C'est pas des publicités payées. En fait, c'est même que Y&R et Dreamtime qui sont partenaires pour afficher ces messages-là. C'est pour le bien commun des deux compagnies. Ben oui. Donc, on sait pas si ça a fonctionné, évidemment. Mais on avertit les directeurs artistiques et créatifs des autres agences de ne pas demander à leur directeur artistique trop de photos tout de suite parce qu'ils ne voudraient pas taper un courriel à l'agence rivale tout de suite. Mm. Ensuite, ABC et Lexus qui s'assemblent pour former un épisode de la série dramatique Quantico que je sais que tu aimes beaucoup. Oui. Donc ABC est le sponsor commanditaire Lexus. C'est de parler du retour de la mi-saison donc de l'émission Quantico avec la première expérience de réalité virtuelle pour le réseau, ce qui amène les téléspectateurs dans un mini-épisode scripté de ce drame terroriste. Donc les écrivains de Quantico ont aidé l'agence Team One à créer cette vidéo de 3 minutes 30 que n'importe qui peut regarder sur YouTube 360 et via l'application Little Star Cinema VR pour les utilisateurs de téléphone Samsung et pour les Galaxy, les Samsung VR, les casques de réalité virtuelle. La perspective de YouTube 360 imite le coup de tête, le tournage de tête, si on veut, de ceux qui auraient un meilleur équipement comme le Samsung VR Gear. Donc, pour ceux qui ont juste sur YouTube 360, on imite un peu ce que tu verrais si tu l'avais sur la tête. Mm-hmm. Tu navigues l'écran avec un curseur, tu cliques sur des flèches pour tourner l'angle de la caméra et tu aides les deux personnages de la série ou deux des personnages de la série à trouver et à capturer un méchant ou plutôt un agent du FBI qui joue. Un méchant. En tout cas, je comprends pas trop l'intrigue de l'émission. Donc, Joanna Brady et Graham Rogers jouent Shelby Wyatt et Caleb Haas, qui parlent comme dans une promo d'émission de télé, apparemment. Très, très scriptée. Donc, est-ce qu'on regarde ça un petit peu? Juste ben oui, pourquoi pas. Quantico, expérience de télé-réalité, de réalité virtuelle, pardon. On avance dans la rue un peu à la... Un peu comme un Google Street View, presque. Il y a des ouais, flèches partant. Ouais, ça ressemble beaucoup à ça. Mais en 3D. Lexus présente, hein? Quantico, The Takedown. On est allé derrière d'une voiture, d'une Lexus. Les gars, lavez-vous. On s'est fait dire que si on échouait cette mission, on était tous renvoyés. C'est vraiment scripté, hein? Les gars répondent, nous sommes nés prêts. This is tracking. Your target, Hector Manis, is arriving at White Lotus in 30 seconds. Uploading his photo now. La personne va arriver dans 30 secondes, voici la photo. Vous avez X temps pour appréhender le suspect. Bon. C'est pas mal exactement ce que j'ai dit tantôt, mais c'est vraiment très, très, très scripté. Oui, oui, oui. C'est aucunement réaliste, je trouve. Mais bon. Ça peut être le fun quand même si t'as le Samsung Gear. Sur YouTube 360, comme nous en ce moment, c'est pas la chose la plus intéressante à regarder. Il y a aussi une petite vidéo derrière l'oreille là, où on montre comment ça a été fabriqué. Cette campagne publicitaire pour ABC et Nexus. Lexus, pardon. Voilà, c'est terminé pour le bloc pub. Au retour, ce sera Jimmy Thibodeau et sa chronique C'est dans le monde que ça se passe à Assemblage requis. Après cette pause publicitaire. Ooh. Qui n'est pas en réalité virtuelle. Ouais, non, c'est ça. Aujourd'hui. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 15 mars 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et c'est celle qui dit pour plus d'informations, visitez sifu.ca. Mais oui, c'est bien moi. On accueille Jimmy Thibodeau. Salut Jimmy. Bien le bonjour. Ça va? Ben, ça va très bien, merci. Cool, très content de t'avoir pour la chronique C'est dans le monde que ça se passe. On parle d'actualité qui passe sous le radar. Tout à fait. On sait jamais à quoi s'attendre avec toi. Des fois, c'est des sujets un petit peu plus alternatifs. Ouais, mais cette fois-ci, en fait, c'est un peu mainstream. Ah, je vais vous parler du féminisme, en fait. Ah, ben, oh, ben oui. Ça tombe drôle qu'on vient tout juste de passer la publicité de Corias sur le viol et les trucs féministes. Ça tombe drôle parce que ça vient juste d'arriver il y a 35 secondes. Mm-hmm. Effectivement. Quel hasard. Voilà. Mais en fait, j'ai attendu une semaine peut-être pour en parler. J'avais déjà ce sujet-là en tête depuis un moment, mais avec le coup d'éclat du Parti libéral là, sur le féminisme et tout, je me suis dit, c'est trop mainstream pour moi, je vais attendre un peu. Ouais, c'est ça, quand c'est rendu que même Radio X parle de, la femme de Justin Trudeau et la femme de Barack Obama, puis que tout le monde capote avec ça. Voilà. Ouais. Bref, aussi, bon...

Et ton appel à Assemblage Rookie. Au retour de la pause, ce sera Gabriel Béhoud et dans les coulisses de la lutte. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Vous êtes à 89.1. Assemblage Rookie est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rookie en ce mardi 15 mars 2016 et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, dans quelques moments, on va parler d'improvisation. On va parler aussi de la poudre huître. En fait, c'est le prochain match qui va avoir lieu le 21 mars. Thématique Harry Potter, je sais que c'est ton genre de truc. Oui. Ce serait le genre de match d'impro de l'année que tu devrais probablement regarder. Clairement. Hein? Probablement. Mais avant ça, on a parlé de féministes. Tantôt, on a parlé de femmes en général. On a écouté Marie-Ève Roy. Pourquoi ne pas continuer avec le groupe Daughter? Ah, pourquoi pas? Comme une fille, tu sais. Voici New Ways. Poursuivez-vous. 89 FM. Thank you. just need it here. C'était Daughter avec New Ways à Assemblage Rocky. Pendant que la chanson était en train de jouer, on faisait des comparaisons. T'sais, bon, on disait que telle affaire, c'était le spotted des articles. L'autre affaire, c'était comme le Reddit des femmes. Gabriel Béhoud, c'est comme le... Un philosophe. Le philosophe, non. C'est comme le réel... Giguère. Des femmes. Non, le Real Bossé de l'improvisation, Trois-Rivières. Et mon Dieu. Mon Dieu. La barre est haute. Comparaison. Voici Gabriel. J'aimais mieux Real Bélan. Real Bélan? Ah, bon point. Ouais. Très bon point. Dans le style d'humour que tu fais, je l'approuve, celui-là. C'est dans les coulisses de la Luitre. Salut! Salut Réal! Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, vous autres, ça va? Ben oui. Mais ça, hein? Là, on est rendu à deux tiers masculines devant Tania. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée du féminisme. Oui, mais ça, en tout cas. Oh! Ah ouais. Moi, je pense que la parité, c'est une utopie. OK. Et non pas une fruitopie, là, comme le jus, là. Non. Non. Une utopie comme le film. Parce que ça, c'est bon. C'est bon. Utopia. Non, c'est pas vrai, c'est des blagues que je fais. Je suis pour l'accès de la femme au poste traditionnellement occupé par les hommes. Le 89-1? Oui. Oui, clairement. Genre. Donc, on est là pour parler d'improvisation. Il y a eu beaucoup de... En fait, il y a eu un petit peu de mouvement hier et beaucoup de mouvement dans le futur. Mais on va y aller dans un ordre chronologiquement. Allons-y. En ordre. Hein? Oui. Commençons par hier soir. Donc, le passé. Le passé. Oui. Lundi soir, 20h, avait lieu le match entre les Oranges et les Bleus. Que les Oranges ont gagné 8-6. Hey, le punch dès le départ. T'sais. Ben oui. Ben, pourquoi pas? Lui, il s'en cache pas. Bing, bang, droit, de même. Ouais, on a eu droit. Antoine Lacasse nous amène tout le temps une ou deux nouvelles catégories. Ouais, on dirait, Et puis là, j'en ai vu une que j'ai particulièrement appréciée, moi, c'est l'impro Kijiji. Est-ce que c'est lui qui l'a inventé? Est-ce que tu le sais? Je sais pas, non. Parce que Maxime, je sais qu'il avait amené Tinder. Tinder, ça c'était vraiment cool aussi. Ça venait d'ailleurs. Tu pouvais swiper des improvisations pour choisir la bonne avec laquelle tu voulais jouer. Là, la Kijiji, c'était quoi? Ah, c'est vraiment, on est à l'ère de l'impro 2.0 web. Parce que Kijiji, c'est un site d'annonce classé. Ah, dis-moi en plus. Oui. Tu peux annoncer pas mal n'importe quoi là-dessus parce qu'il y a vraiment du monde qui annonce n'importe quoi là-dessus. Et puis justement, c'est une improvisation où pendant une minute, un improvisateur annonce un produit qu'il vend ou une chose, par exemple les ailes d'un ange qui a voulu l'amener au paradis mais qu'il l'a shoté au shotgun. D'ailleurs. Et puis elle annonce ces ailes-là. Et puis là, par la suite, l'autre équipe répond à cette annonce-là. Donc, elle appelle pour savoir si l'objet est toujours disponible ou combien que ça coûte ou peu importe. Donc, ça peut donner vraiment là, des improvisations. C'est sûr que le cadre est quand même relativement rigide. Ouais. Donc, je me demande dans la pérennité si ça va durer. Là, cette, ben, si on peut ramener tout le temps... c'est quoi, le TNM présente une blague. Oui, ça, c'est vrai. Ça dure assez longtemps où on prend un pet puis répète puis on le monte en grande chose super. Oui, oui, oui. Si ça, ça peut durer, j'imagine que Kijiji peut encore plus durer. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce qu'on devrait faire après Tinder, Kijiji et le TNM? Il pourrait y avoir genre l'impôt-tva-nouvelle.com ou genre tout est faux. Oui, oui, oui. L'impôt sac de chips. Oui, c'est ça, oui. Genre. Des, du flafla qui n'a pas rapport. Exactement. L'impôt Gmail, t'arrêtes pas de recevoir des affaires de prince du, d'Afrique puis de. Ah, ah oui. Ben oui. Ouais. Ouais. L'impôt Radio de Québec. Oui, absolument. Ça, c'est un impôt où tu n'as aucun bon sens. Mettons, tout est mal. Pis... Outrage, mais tac. Ouais, c'est ça, exact. J'ai vu un gilet, là. En tout cas, je sais pas, vous avez probablement vu, c'est mes impôts, mes taxes, mes Metallica. Ça fait, c'est trop. C'est, Metallica. C'est vraiment trop, là. En tout cas, ça me faisait justement penser à ça, là, la Radio Québec. C'est très drôle. L'impro, le match d'impro hier a commencé par une impro avec une geisha ou plusieurs geishas et ça a provoqué un arakiri, un orukuru, un, comment t'appelles ça? Un arakiri, ouais. Un arakiri. En série, dans un film muet, non, c'était vraiment bien. C'était réussi. La première impro du match, là, des deux côtés, c'était là, d'une qualité immense. Ça a donné le ton, mais après ça, Vanessa a ramené l'arakiri dans une autre impro oui, et s'est fait drôle. Donner une pénalité. Oui, oui, oui. Genre 3-4 impros plus tard, à 5 secondes de la fin, ben, je vais m'arakirier dans un canot. En tout cas, c'est vraiment comique. Et puis justement, ça a donné le droit à une pénalité. Il n'y a pas eu beaucoup de pénalités. Non, hier, ça a été plutôt soft, ces pénaux. Deux confusions. Ouais. Et puis le cabotinage de Vanessa parti. Un peu comme Maxime Tanguay le fait depuis le début de la session, le début de même, je dirais, l'année scolaire. Antoine Lacasse a choisi d'amener une thématique pour le match d'hier. Oui, oui. Moi, j'ai trouvé ça cool. Puis en même temps, il y a des noms pas rapport parce qu'il est arrivé avec tous ses thèmes. Donc, le thème que les improvisateurs doivent respecter. Le pacing. Exactement. Donc, son passing était vraiment... à la base, c'était toutes des couleurs de peinture Sico. Oui, les Benjamin vrais. Moore. Et puis, honnêtement, ça donnait des thèmes vraiment cool. Surtout lorsqu'il en combinait une ou deux, là, ça donnait des choses incroyables comme couleur Eldonange. Oh oui, Eldonange. Hein, t'as-tu le goût de ta chambre à essayer peinture une? Il y en avait genre jaune, gris-gris de je sais pas trop quoi. Là. Oui, oui, jaune, gris-gris, sauce au pesto. Tu te rappelles de tout, toi? Ouais. Il y a une bonne mémoire, ça hein? Ça ressemblait à ça. Ben oui, sauce pesto, je me rappelle qu'ils ont parlé de cuisine puis de pâte dans cette impro-là. Ouais, vrai. C'était pas mal n'importe quoi, d'ailleurs, leur recette. Une de mes préférées était facilement celle d'exagération. Oui. Avec, entre autres, c'est l'âme de Dieu Côte, où on a commencé avec l'improvisation. Dans le fond, c'était 4 fois... Une minute, et puis ils reprennent à chaque fois avec une intensité plus élevée. Sauf que les deux joueurs, les joueurs en tout cas, ont fait l'erreur de vraiment... Commencer dans le tapis. Là, déjà ça. Exagéré. À la deuxième impro... Brûler une sorcière. Là, ils se demandaient s'il restait assez de stock pour la continuer. Mais le niveau de décibel était déjà très élevé à la deuxième impro. Donc qu'est-ce qu'on a fait après? À la troisième impro, Vincent Rainville a sorti quelque chose qui me fait capoter, que je ne conseillerais pas de faire à personne. C'est des flips sur le stage. Des grosses culbutes, là. Genre, j'ai jamais vu quelque chose. Moi, j'attendais. J'étais sûr qu'on allait avoir à appeler une ambulance ou les pompiers ou quelque chose. Parce que, premièrement, il est en feu. Et puis, deuxièmement, ben des flips de même, des fois, ça finit mal. Là. Ouais, ça pourrait très bien mal finir. Surtout qu'au début de la session passée ou l'année passée, Vincent a joué en semi-plâtre de jambes. Oui, oui, l'année passée, oui. Je pense, hein, ça. Ouais. Donc, il aurait pu se reproduire la même chose. Exactement. Bref, mais c'était vraiment le fun comme impro. La troisième, comme tu as dit, bon, il y avait des flips partout, des explosions. La quatrième, on a le droit à une feinte de backflip, mais ça, c'était assez comique. Là. Il a fait semblant que c'était cassé la jambe dans le truc d'avant. Mais ce qui était le fun aussi, c'est Céline qui s'est mis à sacrer pour tout puis traiter tout le monde de salope. Oui. Bon. C'est comme ça qu'on exagère. Ouais. Exactement. Moi, ça m'a bien plu comme impro. Il y a eu évidemment l'impro littéraire. Oui. En plus de l'impro littéraire, on a aussi fait tirer un autre livre. Donc, on a fait tirer 2 livres. Ouais, non, c'est cool. On a plusieurs tirages cette année. Puis je pense que le public apprécie. En tout cas, vous me ferez signe si vous aimez ça ou pas. Absolument. Mais non, je trouve que ça met un petit peu de piquant. Puis ben, déjà que c'est gratuit. En plus, quand tu y vas, t'as de la chance de soit gagner de la bière, des billets pour la lime, ou ben donc des livres. Ben, même génial. Un sorti cadeau aussi sur Adrien Poirier. On avait, je crois, 4 ou 5 concours. On avait comme 4 plugs à faire. On avait c'est une grosse soirée. Ouais, une grosse soirée à l'animation. Parce qu'il fallait qu'on plug des matchs spéciaux. Tout à fait. Parlons-en dans l'ordre temporel. Envoyez donc. Commençons par hier. Ouais. Il y avait le iPod Battle. Ah oui, le iPod spécial. Battle. Ça, c'est quand même assez le fun comme activité, en fait. Hier, on a eu droit à beaucoup de métal. Moi, ça m'a surpris. Oui, Alexandre Marchand de Matière Noire a joué. Oui, oui, oui. C'était DJ Black Satan. Absolument. Donc, c'était avec un... pas une blackface, mais c'est ça, c'est une blackface. Le contraire, whiteface. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il appelle ça une blackface dans le milieu. Alex pourra me corriger éventuellement. Mais c'est des bons amateurs de black metal norvégien, suédois, estonien, lettonien, lituanien. Ils se peinturent la face comme ça, là. Tu sais, où ce qu'il fait genre. Dans les mains, C'est ça, là-bas, il fait soleil comme 2 heures dans l'année. Ouais. Fait que. C'est ça. C'est ça. Bref, c'était des joueurs de la lutte versus des joueurs du public. Oui, ou en tout cas, il y avait un mix de match des deux. Alexandre Marchand, que vous connaissez de l'équipe des Oranges. Oui. C'est la Dottie Cole qui a aussi joué. Oui, oui, oui. Les autres, c'était des membres du public. Je crois qu'il y avait seulement d'autres. Exactement. Membres du public. C'était animé par Joe Côté, ancien joueur de la lutte. Oui. Qu'on aime beaucoup. Oui, fort. Oui. Oui, il parle très fort. Je me serais défait la gorge si j'avais animé cette histoire-là. Donc, félicitations à lui. Bravo. Oui. Joe Côté. Et à la fin, qui a gagné? Attention! C'est quelqu'un des Oranges la lutte? C'est Lando Dzeko. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Parce que, jouer à des tunes. Exactement, mais je pense que elle avait compris vraiment le concept du iPod Battle. Les autres aussi, ceci étant dit, mais Céline allait aller chercher la fibre de il y a des petites infirmières en boisson dans la place. Ouais. Fait qu'on va faire jouer là du reggaeton et des affaires comme ça. Elle a compris. Il y avait un vin fromage de sciences infirmières au 10-12 hier. Ah, c'était chic. C'était à toute beauté. C'était cool. C'est ça qui sentait ce matin dans le pavillon. Oui, ben, c'est ce qui est sorti de ces filles de sciences infirmières. Ah, OK. Oui. Oui. Félicitations, Céline, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, toujours chronologiquement parlant, dans les événements à venir, mercredi soir qu'aura lieu le match Scabs versus Louis. Oui, donc on affronte le Cégep de Trois-Rivières dans un match. Je pense qu'on a déjà eu des matchs contre eux cette année même. Non, le match avait été repoussé. Oui, c'est vrai. La tempête avait eu lieu. Exactement. Donc, c'est la chance de se reprendre. C'est un combat de titans, dit-on, le plus grand combat des gladiateurs de l'histoire. Ouh. Désespoir. Ben, ça va être un excellent match. C'est à 19h30 mercredi au loft du Cégep. Oui, oui, exact. Donc, ça se déroule au Cégep. C'est gratuit. Oui. Donc, pour le public, là, si vous voulez aller voir des improvisateurs de la lutte, affronter les gens du Cégep, c'est le moment parce que ça coûte nada. Scabs, c'est convenu. Puis, ben, vous avez peut-être la chance de voir des joueurs qui vont probablement émerger dans la lutte un jour. Parce que généralement, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs dans la lutte qui ont fait les Scabs. Ça, c'est Marc Lachance, quoi? Il y a Marc Lachance, il y a Alex Marchand. Ah oh, oui! Il y a Francis Dugré-Lampron. Cool. Nadia. Ah oui. Ouais, donc, on a beaucoup de représentants des Scabs au sein de la lutte. Ben, d'anciens représentants. Oui. Donc, c'est mercredi à 19h30 au Cégep de Trois-Rivières. Oui, oui, oui. Ensuite, la lutte s'en va à Montréal pour la CUI. Ben oui, on s'en va à l'UQAM. Donc, on dort dans un Outwell 7 étoiles. Un Outwell 7 étoiles. Oui, oui, oui. Un oui, Outwell 7 étoiles. Non, mais ça, c'est grave, là. Avec un Rottweiler. C'est tout payé par l'université. C'est pas des farces. On amène la rectrice ou le recteur, je sais plus, c'est rendu. C'est pas vrai, c'est des farces. C'est la cruche qui paye pour ça. Ah, mon Dieu, on dit pas ça de la rectrice, là. Elle est partie, arrête de vivre dans le passé, c'est un recteur, c'est M. McMahon. Oui, c'est pas une raison pour la traiter de cruche. Ouais, t'as raison. Elle est pas là pour se défendre. Non, non, c'est pas vrai. La cruche, en fait, c'est vraiment simple. C'est des contributions volontaires que le public nous donne. D'ailleurs, je tiens à vous remercier au nom de la Luitre et aussi au nom de l'équipe qui va à la CUI. Parce que, ça nous permet de se déplacer à ce tournoi-là. Sans qu'on ait à défrayer, parce que c'est quand même relativement coûteux de se déplacer une fin de semaine à Montréal. J'ai l'année passée, c'était quand même assez cher. Ouais, c'est ça. C'est juste en gaz. Ouais. C'est quand même de l'argent, surtout que nous, on veut fièrement représenter l'écouteur. Donc, c'est super apprécié de vous, cher public et auditeurs qui viennent à la Luitre les lundis soirs, 20h, chasserie. Oui. Puis que vous nous donniez un petit peu de sous pour qu'on puisse réaliser les plus grands rêves. C'est comme l'impération de la danse. Oui, exactement. Ouais. Sauf que c'est des rêves un peu cons des fois, parce que nous autres, on nous impose à faire, tu comprends? la Luitre va à la CUI. La CUI, c'est la Coupe universitaire d'improvisation qui se déroule cette année à l'UQAM. Mm-hmm. Donc, c'est ça. La Luitre va affronter des équipes de d'autres ligues. On pogne notamment... on a un gros samedi en vue, là, parce qu'on pogne la LUI et la Ligue UQAM back-à-back. Donc, la LUI, pour ceux qui... pour les profanes, là, c'est la Ligue à l'Université Laval. C'est quand même une très grosse ligue. Ils ont un public là, assez imposant, merci, généralement. Et puis, non, c'est du haut calibre. Mm-hmm. C'est eux qui ont gagné, d'ailleurs, l'an passé, qui était la QI à l'ETS, qui était aussi à Montréal. Mm-hmm. La Ligue UQAM, eux, ben, c'est une ligue de l'UQAM. J'en dirai pas plus. Ouais, OK. Tu mets ça haut dans ton estime. Ouais, c'est ça. Ben non, mais pour si jamais ils écoutent, c'est ça. Il y a une rivalité entre les deux, ça peut arriver, ça. Ouais, je pense. Oh, ouais. Et puis, ben, il y a les gens de Moncton qui ont pogné en soirée, donc... ben, c'est ça, on va pogner Moncton en dernier, donc ça va être comme un... Ça va soit mettre un bombe sur nos plaies ou on va être bien grindé pour... la crevette sur le Sunday. Allez-vous jouer en anglais contre Moncton? Non. C'est une liste, c'est en français, okay. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On sait jamais. Ben, mais je repense à mes affaires. Dans l'année passée, ce que je suis allé voir, c'est le Paradoxe, donc pas la QI. Il y a pas grand public au Paradoxe, mais à la QI, là, il reste d'avoir du public. Pas tellement. Non, franchement, là, on joue principalement devant du monde... d'autres joueurs. Ouais, qui sont scrap de la veille. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. C'est le fun. Mais c'est le fun d'y aller pour pouvoir voter aussi. Vous avez le droit d'y aller. Oui, exact. Donc, des fois. Qui va jouer à ça? Qui joue? Je t'explique tout de suite. Il y a Alexandrine Pichessir, Marc Lachance, des Oranges. Il y a deux autres Oranges. Alexandre Armezouki, qui est le capitaine. Il y a Céline Daudier-Côte. Il y a aussi dans. Mon Dieu, là, je suis. Francis Dugré-Lampron. Oui, bon, moi, je me perds tellement facilement. Il y a Francis Dugré-Lampron des Verts. Et puis moi-même qui sera capitaine de cette équipe. Oui, t'es capitaine, t'es capitaine des Rouges habituellement. Oui, exact. Oui. Donc, on aura la chance de peut-être revenir avec un titre. Peut-être. Mais ce qui est encore plus excitant, c'est que vous avez amené un coach. Oui, Rémi Francoeur. Il y en a qui l'ont peut-être déjà vu. Il est venu arbitrer un match spécial cette année à la Luitre. Tout à fait. Il joue aussi à la Lime. Il a déjà joué à la Luitre. C'est lui qui était dans la pub de Trois-Rivières avec... Oui, oui. Il a fait le tour du web, la publicité virale. Si c'était bon. Avec la calculation du bout du nez. Oui. Oui, ça, c'est Rémi. Non, mais Rémi... Rémi, c'est quelqu'un qui a une très bonne compréhension de l'impro, donc j'ai hâte. Et puis aussi, ben, c'est le fun d'avoir un coach, parce que le coach, lui, comme dans n'importe quel sport, en fait, va nous tenir au courant du score, du nombre de temps, du thème, de tout ça. Parce que des fois, sur un ban impro, il y a des discussions qui partent, là, puis tu te... 10 secondes après, tu te rappelles même plus si l'impro, c'est une comparée, combien de joueurs, puis c'est quoi le thème. Exact. Et Rémi Francaire, qui est habitué de coacher parce qu'il est aussi formateur, c'est lui qui a donné les camps de recrutement. Ouais, de la ça fait. Une fois sur deux. Quelques années, je pense qu'il le fait même. Absolument. Donc, ça va être assez plaisant comme fin de semaine. 18, 19 et 20 mars. Oui, exact. À l'UQAM. À l'UQAM, et la page Facebook, c'est Coupe Universitaire d'Improvisation 2016. C'est en plein ça. Voilà. Ben, je pense que c'est tout pour ce qui s'en vient. Le présent, on va se rapprocher, mais lundi prochain, 21 mars, what's up, motherfucker? Exactement, donc on se dirige directement vers Poudlard. Poudlard, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le château magique dans Harry Potter, où les jeunes enfants étudient sous la gouverne de des vieillards en barbe qui ont des attirances particulières pour les enfants et qui font de la magie. Donc, c'est ça. Ben nous, on va reproduire ça, mais dans la chasse-galerie. C'est donc dire que les joueurs que vous êtes habitués de voir dans des équipes là, à la Luitre, là, ben, les ils rouges, vont peut-être... les bleus, les oranges, les verts. C'est ça. Ils vont peut-être se transformer en Dragoucy Rose, toute la clicker. Dragoucy Rose, cancer du poumon. C'est quoi, là, je connais pas ces... Ben, l'autre, là, foie, là. Foie? Le seul, là, qui est blond puis qui gosse. Plan Sirin? Plan Sirin. Plan Sirin? Oui, drette lui. C'est ça? Oui. Ouais. Donc, non, c'est ça, on va être toutes des maladies. Drago mal au foie, c'est ça. C'est exactement. C'est ça. Ben, lui, premièrement, on l'haït. Ouais. Deuxièmement, ben, justement, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre son rôle, ben, rôle entre guillemets, parce qu'on va être répartis dans quatre équipes. Puis on va est-ce que tu viens de révéler que tu vas jouer? Probablement, oui. J'ai hâte de voir dans quelle maison je me retrouve. C'est moi, ça. J'ai un petit guess pour. Soit Poufsouf, parce que Poufsouf, c'est vraiment. En tout cas, moi, de ma compréhension que j'ai d'Harry Potter, qui est assez limite, là. Ouais. Pour ça, j'ai l'impression que c'est ceux qui t'entendent jamais tant parler, mais qui sont là. Tu sais? ils mangent, mettons. C'est à peu près ça. Ils sont à l'arrière-plan et ils sont figurants, presque. Ils sont à cafétéria, mettons. C'est ça. Puis, soit ça ou les Serpentards, pour mon immense désir. De pénis. Ouais. C'est une joueuse de la Luitre. On dira pas qui organise tout ça. Oui. Et c'est elle qui va choisir. En fait, non. Le chapeau. C'est le choix-pot. Le choix-pot qui va choisir ça, mais c'est elle qui organise le choix-pot. Exactement. C'est ça. Donc, on avait une demande d'entrée à l'école de Poudluitre à faire. Et puis, ben, de là, on sera redirigé vers nos familles. Et puis, les quatre familles s'affronteront dans des duels éreintants. OK. Et surtout magiques. Ouais. Pour avoir la coupe de feu. La coupe. C'est quoi, la coupe de feu? C'est clairement la coupe de feu. Je suis sûr que vous gagnez la coupe de feu. Ben, c'est ça qu'à chaque année, les Gryffondors gagnent parce que. Oh, vous vous êtes mouché au bon moment. Ouais, c'est la coupe des. C'est ça, il me semble, la coupe des quatre maisons? Ah oui, je pense que c'est ça. Je sais pas, moi je connais juste le Vif d'Or parce qu'hier, il y avait un défi, je me rappelle pas dans quel contexte il y avait un défi, mais les gens sont venus nous voir, un groupe de trois filles qui sont venus nous voir au bureau de C'est fou, juste à côté du studio, pour nous demander si, ouais. si on avait eu un Vif d'Or, parce qu'il y a un Vif d'Or de cachet quelque part de l'université, puis ils devaient le trouver. Puis là, on savait pas, mais moi j'aime ça comme semer la confusion, fait que je leur ai dit, tu sais, s'il était venu nous donner le Vif d'Or, il nous aurait sûrement dit de pas dire qu'on l'avait. Mais je sais pas, moi je n'ai pas entendu parler. Avoue que t'as dit ça parce que c'était trois filles, Mathieu. Ben ouais. C'est, c'est bien la coupe des quatre maisons. Merci. Moi, là, j'ai vu de quoi par rapport à Harry Potter qui n'est pas de l'improvisation, mais ouais. qui m'a fait capoter. Comment ça s'appelle le sport? Du Quidditch. Mm-hmm. Le Quidditch? Mais genre en vrai. Là, oui, il y a des grosses équipes de ça maintenant. Il y avait ça au carnaval ici même à l'écouteur. Ils ont l'air d'une belle bande d'attardés, ben les oui, autres. Mais ils se promènent ils avec pas voler pour vrai. Non, mais là, c'est du cave comme sport. C'est bien. Le gars qui fait le Vif d'Or, c'est quelqu'un tout habillé en jaune qui bat genre des mains. Et qui court. C'est vraiment ça. Là, faut que tu l'attrapes. Mais c'est comme un genre de. Comment on appelle ça pour enlever le drapeau en arrière Balle magique. Flag football. Ah, ouais, flag football. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est trop épais. C'est insignifiant. En tout cas, moi, je trouvais ça complètement attardé comme sport. C'est pas fort avec tes mots, là. Ben, je veux dire. Moi, c'est une personne de petite taille en plus qui faisait le Vif d'Or. Parce que là, si tu commences à parler contre ça. Hey! Non, mais. Si, en tout cas, si jamais il y a de quoi, c'est gabriel.b.hood@qtr.ca. .b.hood? Ouais! T'as son autre famille, il n'y a pas un trait d'union, t'es là? Non, moi, c'est .b.hood. Ben, Gabriel B. Hood. Ah, ouais, je pensais. Non, c'est pas. Pensais pas que t'avais le droit de diffuser seulement une lettre de ton nom de famille comme courriel? Ben. Tu mélanges tout, là. Non, non, mais c'est mon nom de famille. B? Ben, B point. Mon nom de famille, c'est B point. Oud. Ben non, mais c'est comme un double nom de famille, mettons. C'est comme Laurence Tardif. Ouais, mais dans le sens que ton B veut dire quelque chose. Ben oui. Et dans ton courriel, t'as le droit d'avoir juste le B? Oui. Ben, dans, même dans tout ce que je signe. Outrage de tabarouette. Ben, ouais, mais c'est parce qu'il a dû s'inscrire à l'université avec Gabriel B. Oud. Non, mais c'est ça sur mon baptistère de vie, ouais. de naissance. Fait que l'assurance maladie, c'est ça aussi? Ouais. Ben, outrage, mes taxes, là. Ben, tout, je sais. Ouais, mais c'est parce que tu pensais à la quantité de caractères que ça prendrait à mettre les deux noms. Hey, moi, c'est rendu que sur ma carte Visa, là, mon tousignant en plante, là, il dépasse sur le logo de Visa. Moi qui ai un toc là-dessus, voir que j'aime ça que mon nom de famille finisse sur le logo de Visa, voir. C'est pas symétrique, man. Ben, moi, j'aime ça aussi, la symétrie. Ouais. Mettons, moi, je jouais au Lego. Il fallait que ma maison soit toute la même couleur. S'il me manquait une pièce noire pour compléter mes murs... T'as acheté à créateur. J'ai acheté à créateur, je repartais en jaune, quelque chose. T'as acheté à créateur. Puis en même temps, ben, moi, c'est parce que j'essayais tout le temps de faire des maisons noires. Parce que... La House of Black Satan. Oui. Ben oui, de Alex Marchand. C'est ça. Exactement. Qui d'autre a un toc, si? Toc. Ben, moi, je sais pas. Ah oui, j'ai un toc ici avec les machines distributrices juste à côté du studio. Je l'ai aussi, ça. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tourne la manivelle puis qui la remet pas comme du monde, faut que je passe puis je la replace comme il faut. La mettre à l'horizontale. À l'horizontale. Mais un vrai de vrai toc, là, parce que j'ai vu des trucs là, rapido presto là-dessus. Là. Un trouble obsessif compulsif, un vrai. Obsessionnel, même. Tu penses que c'est plus des petites manies qu'on a parce qu'un toc. Quand tu le fais pas, tu viens malade, c'est mental. Ça. T'as peur, genre, que « Oh, ma mère va avoir un accident d'auto. » Tu développes de l'urticaire. Tu fais... T'sais, tandis que moi, mettons, je compte là, combien ça me prend de coups de couteau. Là, attendez. Là, couper, mettons, une carotte ou un oignon. Je fais comme 1, 2, 3, 4, 5. Je compte tout le temps. Je sais pas pourquoi. Ou quand je monte des marches ou je descends, on dirait que je calcule tout le temps le nombre de marches. Mais si je le fais pas, mettons que je discute avec quelqu'un, je fais pas comme un instant. 1, 2, 3, 4, 5, 5 marches. Maintenant, nous pouvons poursuivre cette discussion. Non, non, je fais pas ça. Mais si, mettons, c'est un toc, là, je serais obligé de le compter. Puis là, sinon, là, si je le faisais pas, je serais... J'entendrais ça dans ma tête. Mais non. Non, c'est pas ça. Fait que personne ne cite un toc, je pense. Non, je pense pas. Non. Ça, c'est mon toc à moi, le monde qui dit toc. Il y a des tics puis des tocs. Ouais. La différence, tic, c'est quoi? C'est involontaire. C'est comme le coup de te montrer des as. C'est un tic involontaire. Je pense que c'est un. Ouais. Ouais. Alors que toc, c'est quoi? C'est, mettons, ça pourrait être la tourette, peut-être? Non? Ouais, mais ça, c'est une autre maladie, je pense. Si tu sors pas, tu vas te sentir mal. Exact. On pourrait continuer longtemps à parler de ça, mais c'est le fun. Mais t'en as-tu d'autres, des petites mains? Moi, je suis un grand amateur de symétrie aussi. Ouais, ben, c'est ça. Moi, mettons, tu sais, je fais du design web, des trucs comme ça, du Photoshop. Tu sais, tout est au pixel près, puis ça m'énerve vraiment, là. Je fais des publicités pour le GE, mettons, il faut que tout soit exactement à 30 pixels du bord, d'un bord puis de l'autre, puis tout soit centré sur la même affaire, puis centré. Exact. Même si ça n'a pas besoin d'être centré, mettons, le grand titre sur le zone campus, si, mettons, il y a un joueur de hockey en arrière-plan, puis le titre va être entre le début de la main du gars puis le bas de la photo, tu sais. Même si ça change absolument rien, ça. Ah oh, ouais. C'est de même, je suis de même. Ah oh, ouais, je comprends. Je travaille un petit peu plus lentement sur certaines affaires que d'autres. Mais bon. Moi, j'aimerais ça devenir bon en Photoshop parce que on a découvert. Moi, j'utilise Photofiltre. Wow, comme, t'es tellement débutant. Ah, oh, ouais, c'est vraiment facile. Ça coûte pas mal moins cher. C'est surtout gratuit, ouais. Ouais, ben c'est ça, ça veut pas dire. En tout cas, on pourrait parler longtemps du prix de Photoshop puis de. Ben, ça, c'est comme le prix de Adobe Reader. Là. C'est ça. Ouais. Hey, oh. On n'a pas nécessairement tout payé. WinRAR. WinRAR. Oui, mais ça. Qui paye pour ça? Je n'en connais pas. Je pense que c'est le gars, là, le prince en. À Ouagadougou, qui a besoin de notre argent. Lui, il est batté, il paye tout pour WinRAR, Adobe Reader. C'est tout lui qui paye pour ça. Tellement altruiste. J'ai besoin de votre argent. C'est pour ça qu'ils nous envoient des courriels. C'est grâce à lui qu'on lit nos PDF. Soyons lui reconnaissants. Tellement. Pour l'amour du ciel. Ben, c'est un peu, faut être reconnaissant envers ça, un peu comme on devrait être reconnaissant envers la huître qui, elle, est altruiste. Oui. Altruisme avec l'huître dedans. Altruiste. Oui. C'est un nouveau slogan à la place de Rose la lutte l'année prochaine. Nous sommes altruiste. Hashtag. Hashtag. Hashtag impro. Oui. Impro and chill, on l'a déjà dit. Moi, j'en ai des slogans. Va devenir VP du VP du vice-VP comme. Ben oui, ça, c'est un beau pas. C'est très bien rémunéré en plus. Ah oui, hein. Si tu savais. J'ai droit à 0,1. Du popcorn à chasse. Ça fait partie des avantages sociaux. Ouais, t'as le droit de la tenir. T'as le droit de la regarder. Wow. T'installer puis la regarder. C'est comme ton précieux. Ouais. Bref, Gabriel Béhoud. Oui. On s'est tous parlé l'un par-dessus l'autre, puis c'était belle fun aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, c'est un petit peu. On était cacophonique, mais je pense qu'on était tous excités de se rencontrer. Hey, mais Mathieu, tu me permets-tu de faire un petit récapitulatif rapide? Oui, les dates, vas-y fort. Mercredi, match contre les Scavs au Cégep à 19h30. En fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche, donc 18-19-20. Ouais. Mars, on joue à l'UQAM. Dans le fond, on représente l'huître à la QI. Ensuite, le lundi d'après, lundi le 21, c'est la peau de l'huître. Ça, la peau de l'huître, c'est un match à savoir Harry Potter. Ensuite, la semaine d'ensuite, ben là, ça va être les demi-finales qui vont recommencer, mais on aura l'occasion d'en rediscuter d'ici là. Absolument, absolument. Oui. On va se voir mardi prochain. Oui, sûrement, oui. Puis après ça, il va y avoir Pâques, donc il va y avoir une semaine de congé. On va pouvoir parler de la dernière dernier droit de la saison, en fait, les trois derniers matchs. Ouais, ça va être pas pire. La semaine prochaine. Oui, j'ai hâte. J'ai hâte. T'as hâte, hein? Ben. T'as hâte. Ah ouais, hein? Ça va être bon, là. Merci, Gabioud. Hey, ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Au retour de la pause, ce sera à Tania de vous bailler ça dans le micro. Alors, elle baillait pour vrai, c'est là. C'est vrai. Tantôt, j'ai failli éternuer. C'est vrai. En nombre. Fait que bref, plein de revirements de situation. J'ai failli péter. Nom. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Reiki en ce mardi 15 mars 2016, déjà la moitié du mois de complété. Tania Baudin est là. Eh hey, oui, avec Mathieu Plante, bien évidemment. Tellement, tellement vrai. Tout ça, mais tu sais, moi, hein, en tant que tel, je me mets sur le rond en arrière, tu sais, pour juste garder à peine tiède température. correct pour servir plus tard. Ouais, ouais. Pour te laisser le rond dans l'avant, tu sais, le gros rond, là, mm-hmm. que t'échappes du lait dedans, puis ça commence à cailler, puis ça, ça pue, tout ça. C'est dégueu. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta-ta-ta, c'est Tania. Bon matin. Ta-ta-ta, comment ça va? Ça va super bien. Coucou, coucou, coucou, je suis bien content de l'entendre. Donc, Tania Baudin, aujourd'hui, on parle de femmes. Ben oui, tout à l'heure, Jimmy nous a parlé de féminisme, puis j'ai quand même trouvé ça drôle parce que la semaine dernière, je voulais en parler. J'ai pas eu nécessairement le temps parce qu'on avait une grosse semaine la semaine dernière. Donc, je suis décidée de revenir avec quelques inventions féminines qui ont vraiment changé le monde. Puis, je trouvais ça bon parce que ça faisait quand même une bonne continuité avec la chronique de Jimmy Thibodeau tout à l'heure. Puis, c'est vrai que bien souvent, on va pas nécessairement prendre le temps de regarder ce que les femmes ont fait. On va vraiment porter attention sur, exemple, ce que les hommes ont déjà fait. Je pense, entre autres, à exemple, Steve Jobs, le gars de Tesla, que je me souviens jamais son nom. Elon Musk. Et voilà. Mark Zuckerberg. C'est vraiment des gens qu'on entend parler, mais les femmes qui ont inventé des choses dans ce style-là, on n'en entend jamais vraiment parler. Vrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on passe ça sous silence? C'est peut-être la plus grosse question qu'on a à se poser. Mais bon, tout ça pour vous dire que je vais vous dévoiler les femmes qui ont inventé des choses qui ont changé notre monde aujourd'hui. Ça va être bon, ça. Donc, en premier, c'est le chauffage de voiture. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a été inventé par une femme en 1893. C'est Margaret A. Wilcox qui a aussi inventé, dans le temps, une machine à laveuse. Et une machine à lave-vaisselle en même temps. Wow. Malheureusement, ça a moins fonctionné de ce côté de cette machine-là. Par contre, son chauffage à voiture a vraiment pris de l'ampleur et on l'a bien évidemment amélioré au cours des années. Avant, c'était très, très, très simple. Et elle a eu l'idée tout simplement parce qu'elle était tannée de se geler le bout des orteils pendant que son mari conduisait lorsqu'elle était assise à la droite. Donc, de ce côté-là, elle a tout simplement décidé de commencer à mettre du chauffage dans la voiture. Je me demande si Wilcox, c'était le nom de son mari parce que Wilcox, ça fait assez masculin. C'est vrai, hein? William Peut-être. Pénis, comme on l'appelle. Oui, c'est son diminutif. C'est son diminutif. C'est son petit surnom. La deuxième invention qui a changé notre monde, c'est, je pense, un des jeux que tout le monde connaît. On a tous déjà joué à ça, c'est le Monopoly. Hein? Ça a été inventé en 1904 par Elizabeth Maggi. Dans le temps, ça s'appelait pas The Monopoly ou le Monopoly, là. Ça s'appelait The Landlord's Game, donc on peut traduire ça par le jeu du propriétaire. Et elle a vraiment décidé d'inventer ce jeu-là pour dénoncer l'oppression des rentiers qu'il y avait de l'immobilier dans le temps sur les gens qui louaient justement des chambres. Bien souvent, c'était des chambres qu'on voyait dans ces temps-là, plus que des appartements. Et elle a créé ça tout simplement pour un petit peu se venger puis dénoncer tout ça et avoir nous-mêmes le contrôle de ce qu'on achète dans une ville. Et elle s'est inspirée aussi de l'économiste Henry George pour créer le jeu. Donc, elle a fait un petit peu alliance avec lui. Ouais. Et ils ont créé le Monopoly. Ben moi, je dis qu'il devrait renommer ça Womanopoly. Womanopoly. Womanopoly pour les femmes. Tu sais, c'est des choses qu'on côtoie tous les jours et qu'on n'a probablement aucune idée que ça a été inventé par des femmes. Donc, c'est quand même très drôle à réaliser. La troisième invention, c'est les radeaux de sauvetage. Combien de fois on a entendu parler du fait que le Titanic aurait pas été une si grosse catastrophe s'il y avait eu plus de radeaux de sauvetage à bord? Eh bien, sachez que les radeaux de sauvetage ont été inventés en 1882 par Maria Beasley, qui avait déjà fait une invention qui lui avait donné beaucoup d'argent auparavant. Elle avait créé une machine à fabriquer des tonneaux dans lesquels on pouvait soit emmagasiner des aliments ou soit faire le vin, entre autres. Et ça lui donnait par année, là on est dans les années 1882, donc ça lui donnait 20 000 $ par année dans ce temps-là. Oui. Tu sais, c'est un temps où que les femmes gagnaient en temps normal 3 piastres par année. Elle en gagnait 20 000. Ouais. Je pense que ça doit être une des premières femmes à avoir autant d'argent par sa propre invention. Et c'est vraiment comme ça qu'en fait, avec cet argent-là, qu'elle a décidé de commencer à faire d'autres inventions. Et c'est comme ça qu'elle a créé les radeaux de sauvetage. Il faut savoir aussi que Maria Beasley, elle a 15 brevets de mérite pour ses inventions. Mmh. Donc, non seulement que ce soit les radeaux ou encore la machine à fabrication de tonneaux, c'est une femme qui doit être très, très inspirante. Absolument. Si on en lit la biographie quelque part sur Internet, sûrement. Quatrième invention qu'on connaît tous et qui a été inventée par une femme, c'est le chauffage solaire, les fameux panneaux solaires. Ça a été inventé en 1947 par Maria Telkes et Eleanor Raymond. C'est une physicienne. En fait, Maria Telkes est une physicienne et une pionnière dans l'énergie solaire. Et dans ces années-là, elle a décidé de s'affilier, en fait, avec l'architecte Éléonore Raymond. Et c'est comme ça que les deux ont créé la première maison entièrement chauffée à l'électricité solaire. Donc, le toit était entièrement recouvert de ces fameux panneaux que l'on reconnaît bien souvent et que l'on voit de plus en plus. Je pense que c'est très, très, très populaire en Australie, ça, le chauffage à l'électricité solaire. On le voit un petit peu moins ici parce que, bien évidemment, l'hiver, il fait moins soleil. mais sachez, 1947, c'est deux femmes qui ont créé cette fameuse technologie-là et la première maison à réchauffage solaire. La cinquième invention, c'est la seringue médicale. Là, je dis médicale parce que, bien évidemment, il y avait déjà d'autres seringues avant. Par contre, elles étaient très grosses, très massives. On ne pouvait pas les utiliser simplement à une main. On devait les utiliser à deux mains. Donc, en 1899, Laetitia Gear a créé cette fameuse seringue qu'on connaît maintenant dans les hôpitaux qui est utilisable simplement à une main. Donc, on pourrait dire qu'elle a comme allégé la tâche de plusieurs infirmières et médecins. Donc, merci à elle. Oui. Tout à fait. Hein? Ça ne dit pas malheureusement pourquoi elle a décidé d'inventer ça. Bien souvent, on le sait, une invention, ça va arriver par accident. Par contre, je dois dire, c'est la femme sur laquelle j'ai trouvé le moins de renseignements. Dans toutes les inventions que j'ai trouvées, c'est vraiment celle-là qui dit ben, « elle a inventé la seringue médicale après que plusieurs autres aient déjà avancé la seringue. Elle en a fait vraiment l'utilisation à une seule main. » Mais c'est tout ce qu'on connaît de cette femme. Ça reste que c'est assez pour savoir que... Ben oui, hein, quand même. C'est quelqu'un de... C'est une belle petite invention qui a révolutionné le monde, mettons. Oui, les seringues et meringues. C'est ça, seringues, meringues. C'est la seringue. La sixième invention, eh bien, c'est le réfrigérateur électrique. Oh! Donc, on sait, dans le temps, on mettait tout ça dans des glacières. Eh bien, en 1914, c'est Florence Parpar qui voulait garder au frais des aliments, autre que, justement, dans sa glacière, parce qu'elle trouvait que ça prenait beaucoup trop de temps, justement, à dégeler avant de pouvoir consommer ses produits. Donc, elle a décidé de créer le réfrigérateur électrique pour que ça puisse rester au frais, mais sans être complètement gelé. Mm-hmm. Merci. Merci beaucoup. Comment elle s'appelle? Florence Parpar. Oui, elle faisait une excellente sauce Parpar. Ah oui, c'est oui. Ça. C'est comme ça qu'elle a dit. Comme ça que la sauce tartare est nono. Les télécommunications. Ah, j'aime Savez-vous ça. Savez-vous que les télécommunications ont été inventées par une femme? Au complet, là. Au complet. Okay. Bien, en fait, au complet, c'est vite dit. C'est une physicienne qui s'appelait Shirley Jackson. C'est aux alentours de 1973 à peu près. L'année n'est pas nécessairement claire. Par contre, elle a été la première femme noire à obtenir un doctorat du MIT. Et elle travaillait pendant ce temps-là dans les laboratoires Bell. Comme la compagnie Bell que l'on connaît aujourd'hui, là, qui travaille en télécommunication et tout ça. Donc, elle a donc contribué à l'invention du téléphone à touche, des panneaux photovoltaïques, des câbles à fibre optique, au développement du fax, au développement de la technologie permettant l'identification des appels entrants et des appels en attente. Ah oui. On peut-tu dire que c'est pas une deux de pique? Pas mal d'affaires, ça. Hein? Ouais. Elle faisait tout ça pendant qu'elle travaillait là. Elle laisse d'abord les autres. C'est quand même cool. Oui, vraiment cool. Je suis contente de savoir que la télécommunication a en fait été inventée par une femme. Ben oui. Tain. Tain les hommes. Ça, c'est pour tous les hommes qui disent « Tu vas avoir des enfants » puis tout ça quand ils passent en entrevue pour travailler dans leur compagnie, que leur compagnie, à la base, a probablement déjà été inventée par une femme. Je sais, c'est ridicule encore aujourd'hui. Mais tu sais, ces gens-là vont finir par mourir. Ben oui, je sais bien. Il va non, falloir meurs. J'espère bien. Excusez-moi. La huitième invention dont je vais vous parler, c'est le Kevlar. Ce fameux matériel qu'on utilise, entre autres, pour fabriquer les vestes pare-balles pour les policiers, pour les gens qui sont dans l'armée ou quoi que ce soit. C'est une chimiste, donc une femme qui s'appelle Stephanie Cowell, qui a inventé la fibre super résistante du Kevlar. Et c'est arrivé en 1965. C'est arrivé par accident, par contre. Elle pensait aucunement créer cette fameuse fibre très, très, très résistante-là. Il faut savoir que le Kevlar, c'est quand même 5 fois plus résistant que l'acier. Ah. Et ça a 200 autres usages que la veste pare-balles. Ah. Donc, on retrouve le Kevlar dans plusieurs choses. C'est juste qu'on le sait pas. Mm-hmm. Parce que souvent, ben, on va pas regarder qu'est-ce qu'il y a dans nos produits ou quoi que ce soit. Par contre, le Kevlar est utilisé dans plusieurs produits que l'on penserait pas, tout simplement. Moi, j'aurais pensé que le Kevlar aurait été inventé par un genre de Kevin Laramie. Je sais pas trop quoi, ça. Je pensais. Ah, tu vois, Mais tu vois, c'est pas ça. J'y avais pas Kevlar, pensé. Kevlar, c'est un beau surnom. Ouais, c'est vrai. C'est... Quand on y pense, hein? T'as bien raison. Puis passer à un autre sujet, ça m'aiderait beaucoup. OK, c'est bon. Merci. La neuvième invention dont je vais vous parler, c'est la vidéosurveillance. OK. La vidéosurveillance a été inventée par une femme et non, pensez pas qu'elle voulait tout simplement espionner son mari ou zioter les gens autour d'elle. En fait, en 1969, pardon, Mary Van Britten Brown a voulu inventer un système qui pouvait justement répondre à aider et à assurer la sécurité de ses voisins dans le quartier parce que la police répondait trop lentement, selon elle, aux appels justement d'aide dans son quartier de New York. Donc, elle a tout simplement voulu rassurer les gens qui étaient dans le quartier en disant « Ben non, écoute, si jamais il arrive quoi que ce soit, tu vas avoir la vidéosurveillance. Puis, au moment que les policiers vont arriver, ben, ils vont pouvoir soit reconnaître la personne, identifier la personne et rechercher la personne à ce moment-là. » Donc, on doit la vidéosurveillance que l'on connaît aujourd'hui et qui est utilisée, ma foi... partout, presque. Partout, vraiment partout, à une femme. Oui. Quand même. C'est pas merveilleux, ça. Très cool. Mm-hmm. Très, très cool. La dixième invention dont je veux vous parler, c'est la transmission sans fil. Ah! Là, on, tu restes dans les télécommunications depuis un bout, là. Ouais. Ben, c'est vraiment les inventions les plus grandes qui ont été faites par des femmes et c'est ceux-là qui ressortent le plus. Ça a été fait aux alentours de 1941. Ça a été inventé par Eddie Lamar, qui était en fait une très grande actrice. Okay. Mais aussi une scientifique. Mm-hmm. Elle avait fait des études, justement, en sciences. Et elle avait un ami qui s'appelait George Entel, qui était un espèce de compositeur avant-garde, un peu. Et ils avaient plusieurs discussions, souvent, sur, justement, ce qu'ils pourraient inventer un jour, puis sur ce qu'elle savait, parce qu'elle avait été mariée à un ancien fabricant d'armes autrichien qui, lui, justement, avait été familiarisé au système de contrôle automatique qu'il utilisait dans des compositions musicales pour l'armée, puis tout ça. Donc, avec cette espèce de connaissance-là qu'elle avait eue de son ancien mari et de ses formules qu'elle avait pu voir au cours de sa vie, elle est arrivée à une discussion où elle a dit qu'il pourrait tout simplement commencer à créer un système secret de communication applicable aux torpilles radio guidées. Donc, on s'entend, là, on est comme en 1941, on est dans le temps de la guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, ce système allait permettre au système émetteur-récepteur de la torpille de changer de fréquence, rendant pratiquement impossible la détection de l'attaque sous-marine que l'ennemi allait faire. Ben, ça allait pas être détecté par l'ennemi qu'on allait les attaquer, tout simplement. Donc... C'est un principe de transmission qu'on appelle souvent spectre par saut de fréquence. C'est qu'on n'entend rien, on le voit plus sur les radars. C'est toujours utilisé pour le positionnement par satellite de nos jours, donc le GPS et les liaisons chiffrées militaires, les communications de navettes spatiales avec le sol, la téléphonie mobile et la technologie Wi-Fi. Une petite pique! Voyons, aussi... C'est ton expression de la journée. Ben oui! Hey, non, mais c'est parce que ça me rend tellement heureuse de voir que ce sont des femmes qui aient pensé à c'est ça. C'est juste, à mon avis, dommage que ce soit aussi impressionnant dans le sens que ça devrait juste être normal. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça devrait être normal. Par contre, On le voit tellement peu souvent qu'on est ultra impressionné devant ça. On n'en entend tellement jamais parler, là. C'est fou. Elle a reçu, entre autres, le prix de l'Electronic Frontier Foundation en 1997 pour cette découverte-là, cette invention-là. Et elle a aussi reçu, elle et l'homme avec qui elle a travaillé pour composer cette fameuse formule-là, George Antel, ils ont été admis au National Inventors Hall of Fame en 2014. Ah ouais. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, je pense que la transmission sans fil, c'est la chose qu'on voit le plus, que ce soit par portable ou... On pourrait pas faire grand-chose sans ça. C'est ça, on pourrait pas faire grand-chose sans que cette femme-là ait eu l'idée de lancer cette espèce de, d'intérêt-là, autre que son métier d'actrice. On aurait pu tout simplement lui dire « Non, écoute ma belle, sois belle et tais-toi. » Prends ton trou, là. Prends ton trou, retourne faire des films. Mais non, au contraire... Prends ton trou et laisse-moi te servir. C'est ça, laisse-moi me prendre le... Ton trou. Ouais. Oh, Mathieu. Non, mais là... Terrible. Là, terrible. Prude. Ben là, voyons. Hein? C'est, hein? Prude. Quand même. Comment? Tabou? Mais bon, c'est les 10 inventions que je voulais vous présenter qui ont été inventées par des femmes. Il y en avait d'autres aussi, entre autres la bière. Ah. Par contre, c'est difficile de mettre un nom sur qui a inventé la bière parce que c'est très, très, très flou dans l'histoire. Il y a une historienne qui disait que c'est sûrement, entre autres, que les femmes avaient une très grande connaissance de tout ce qui était alimentaire et tout ce qui était gestion de brassage de la bière et tout ça dans le temps et que c'était les femmes qui étaient à la tête des tavernes. Ah! Et c'est probablement pour ça que c'est une femme qui a inventé la bière. Intéressant. Hein? Alors, un petit messieurs, bonus. Pensez-y le prochain coup que vous en buvez. Prochaine fois que vous demanderez à votre femme « Amène-moi une bière », comme ouais. le veut le célèbre dicton. Hein? Respectez-la. Merci beaucoup énormément, Tania. Ça fait plaisir. Une autre personne de sexe féminin qui apporte un grand quelque chose à cette émission. On terminera l'émission après cette chanson d'une femme... Hein? Mm-hmm. Baja Bulat. Ah, ben oui. FMS, tout de suite, assemblage rue. Saw the pictures, read all your darkest thoughts while you were waiting, ready to brush me off. We could be friendly, we could be out of touch, we could be famous. Or even infamous if you are. Come back but never call it off. Come back but don't but tear me down. Don't waste my time pretending love is somewhere else. Come back but never call it off. Come back but don't but turn around. Stop wasting time pretending love is somewhere else. Raja Bullet, la pièce Infamous. Et c'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci à Jimmy Thibodeau et sa chronique C'est dans le monde que ça se passe. Merci à Gabriel Béhoud pour Dans les coulisses de la Luitre. Demain, l'émission, on sera mercredi. On aura Sébastien F. Gartin à 8h pour sa chronique. Et à Bulletin Gartin à 8h30. Frédéric Bernard sera là pour Google Globe. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, Rock de Neuron en rappel avec du rock progressif. Nous serons de retour à 15h, Tania et moi, pour les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et finalement, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Émission très féminine aujourd'hui. C'est vrai. Malgré nos deux chroniqueurs masculins et en moi. En effet. Quand même. Quand même masculin. Ça en prend. Ouais. Ça en prend. Ça en prend. Puis, comme 30 secondes encore. Ouais. Allez-y. OK. C'est qu'on fasse pendant ces 30 secondes-là. On condense le seringue. On danse le seringue. Le seringue. Aïe, aïe, aïe. À demain. À demain. Bon café. Bon café.